Chapitre 15. À bord du canton. Inde, adieu. Un beau bras est bien fort. La vie à bord. Je vide mon bloc-notes, cuisine indo-anglaise, installation dans les bungalows, caste richée et tenue des comptes aux Indes. 20 avril. J'éprouve au réveil une véritable satisfaction à penser que, dans quelques heures, je voguerai vers la France. À 10 heures, je secoue sans regret sur la dernière marche de l'embarcadère d'Apollon la semelle de mes bottines et, quelques instants après, mon compagnon de voyage me retrouve à bord, hypnotisé, devant un bras terminé par une main. Que Phidias ne désavouerait certes pas. Allons, la traversée s'annonce joyeuse. Le temps est superbe d'ailleurs. L'océan Indien a mis des gants pour nous recevoir. Pourquoi Phébus a-t-il oublié son écran? Après un grand bruit, suivi d'un silence, le canton a tressailli. Bombay semble fuir, loin de nous, vers les innombrables navires de sa rade. Ses îles veloutées disparaissent insensiblement dans l'onde bleue. Malabar Hill n'est bientôt plus qu'une ligne verte. Colaba n'est plus qu'un point rose. Patrie mystique du divin lotus, terre magique où 4000 dieux n'ont pas trouvé d'athée. Adieu. En retrouvant l'océan Indien, de pénible mémoire, mon cœur éprouve une certaine émotion bien légitime. Cependant, nos épanchements ne dépassent pas les limites d'une réserve pleine de retenue. Je ne présenterai pas au lecteur les différents passagers du canton n'aimant pas inutilement à faire de personnalité. Qu'il me suffise de dire que ma première impression à table est excellente. Car le beau bras, dont j'ai parlé plus haut, s'est doublé d'un jumeau non moins bien tourné, et tous les deux appartiennent à une femme charmante. Je ne saurais pour un empire vous la nommer, ne sachant pas son nom encore. Au soir, étendu sur ma chaise longue, je me remémore notre galopade à travers le pays hindou et ses phases diverses, encore trop surchargées de couleurs pour en former un tout acceptable. Mais je compte bien qu'avec l'éloignement, ces teintes pâliront et je me promets d'essayer de faire quelque chose avec ce qui en restera. Pendant que je philosophe ainsi, à demi perdu dans le vague des souvenirs, les vergues énormes étendues dans la nuit m'apparaissent comme de fantastiques gibets auxquels sont pendues les étoiles. Et en face de ce montfaucon sidéral, la croix du sud semble se dresser en signe d'espérance. Ce n'est pas rien que d'avoir tantôt 3 mois de soleil tropical sur le cervelet. Le lecteur doit s'en apercevoir facilement ce soir. Aussi, je vais de ce pas me coucher. Bonsoir. 21 avril. Peut-être mon unique lecteur n'a-t-il jamais fait une longue traversée. Je vais en tout cas lui narrer le plus brièvement possible l'emploi d'une journée à bord dans ces parages tropicaux. Généralement, à cause de l'extrême chaleur, tout le monde dort sur le pont. Donc, dès 10 heures du soir, quand il n'y a pas de bal, chacun transporte ou fait transporter sa fourniture où il veut, ou plutôt où il peut. Il y a en général le côté des femmes, ce sont encore les maris qui ont imaginé cela, et le côté des hommes. Quand il y a du roulis, on fusionne. Ceux qui n'ont pas le mal de mer sont alors rois. N'est-ce pas, Bélier? Dès 5 heures du matin, l'équipage arrive avec tout son attirail de pompes, de seaux, etc., etc. Devant l'imminence des cascades, un grand déménagement se produit. Les laveurs restent maîtres de la situation, et je vous assure qu'ils en usent, et en abusent. Si on restait un jour sans laver le pont, je parie qu'il y aurait plusieurs suicides aux gaillards d'avant. Chacun, descendu dans sa cabine, procède à sa toilette et à son bain. Les hommes déjeunent ensuite au salon, en échangeant force good morning. Quant aux dames, elles dégustent leur café au lait dans leurs appartements resserrés. La tenue régulière n'est obligatoire qu'à partir de 8 heures. Donc, en attendant 7 heures réglementaires, le sexe lait se donne de l'air et du mouvement, nu-pieds et en déshabillé, aussi léger que différent de formes et de couleurs. Suivant que le porteur arrive du Japon, de la Chine, de l'Australie ou des Indes. Vers 9h30, quelques voyageuses émaillent sur le pont. On fait la chasse aux chaises longues que les féroces laveurs ont effarouchées. On s'informe des santé, on embrasse les enfants. Bref, on s'évertue à être utile. Si on est en délicatesse à propos de Philippines échangées la veille, on surveille la cabine de l'adversaire privilégié afin de la surprendre et d'exiger d'elle une toute petite faveur. Et vice-versa. Enfin, la cloche sonne. Le déjeuner est servi. Le capitaine, qui est naturellement le président de table, salue déjà les deux rangées de voyageurs. Ceux-ci ripostent en biais et la mastication commence. Quoi qu'on mange beaucoup à bord, la nourriture y est en général mauvaise. C'est quelquefois la faute du cuisinier. Mais le meilleur chef ne peut pas faire que des conserves soient autre chose que des conserves. Et les animaux sur pied, qu'on tue de temps en temps, sont toujours ou trop durs ou trop faisandés. Tout cela n'empêche pas de fonctionner ferme et de boire sec. Car le vin, lui au moins, est le triomphe de la conserve. Surtout quand il provient des caves hors concours de la compagnie des messageries maritimes. Après le déjeuner, les uns arpentent le pont comme des zèbres pour digérer plus vite. Les autres adoptent la position horizontale qu'ils croient préférable pour le tassement des aliments. Ce sont les deux écoles. D'autres fument à désespérer la machine. D'autres encore font des niches ou des surprises. Puis chacun attaque son occupation favorite ou pique son petit chien. À midi, great attraction. On va lire le point affiché et féliciter ironiquement le regagnant. Ce n'est jamais moi si on a institué une poule. Puis reprise des lectures, du flirtation et des sommes. À 2h, drelin, drelin, drelin, c'est le tea fine. On remange, pour changer. D'aucuns même dévorent. En ai-je aligné des pots de marmelade? Il est vrai que la plupart du temps, c'était les poissons qui en profitaient finalement. Néanmoins, le prophète a eu raison de dire « Mangez, mangez, il en restera toujours quelque chose. » On achève la journée dans le même style. Quelquefois, cependant, on organise des jeux de bar, de poussing ou de palais, des steeplechases, des courses plates, etc., etc. Ou bien le capitaine fait la surprise d'un simulacre d'incendie pour maintenir l'équipage alerte. Cette cérémonie ayant le don de taper considérablement sur les nerfs du sexe faible, on redouble ensuite de petits soins pour rétablir l'équilibre de l'énervation chez les trop impressionnables voyageuses. À 5h30, on procède à la toilette du soir. L'habit n'est pas de rigueur, mais une redingote ou une jaquette fait bien. Le beau sexe y figurant en atout recherché. Quelques élégantes même arborent une fourrée plus ou moins grande, suivant que leur conscience est plus ou moins chargée. Ces jours-là, le repas est plus gai et on se sent meilleur. Enfin, après le dîner, on remarche. On recose, on refume, on rejoue. Il en est même qui attendent avec une certaine impatience la tombée de la nuit pour pouvoir flirter plus à leur aise et de plus près. Shocking. À 9h, on sonne de nouveau pour le thé, qui dégénère souvent en tea fine nocturne. On revêt enfin les vêtements de fantaisie dont j'ai parlé plus haut et chacun s'en va coucher. Quand il y a bal, eh bien, on danse en serrant discrètement sa danseuse. Et voilà. Ai-je été assez bavard? Heureusement que j'avais promis d'être bref. Ce soir précisément, nous avons dansé jusqu'à minuit. Et je vous assure que je m'en suis donné. À propos, je sais le nom de la fée au beau bras, mais rien que son nom. 22 avril. Jamais je n'avais attaqué un lancier aussi échevelé que celui de ce soir, ni une gigue aussi interminable. Après le bal, nous nous donnons même un concert vocal et instrumental. Chacun y va de sa petite spécialité. 23 avril. En relisant mon bloc-notes, j'y relève quelques pages détachées. Et comme je n'ai rien à faire et que je m'ennuie à contempler l'océan impassible, je les intercale ici. Qu'on me les pardonne. J'ai dit au début de mon voyage que les Anglais me faisaient l'effet d'ignorer absolument l'art de Brillat Savarin. Maintenant que j'ai tâté pour tout de bon de leur cuisine phrygienne, je maintiens ferme mon affirmation. Et d'abord, aux Indes, tout mets doit être abominablement compliqué pour être déclaré acceptable. C'est une règle absolue. Je n'énumérerai pas les différentes catégories de conglomérats culinaires qui se succèdent sans ordre et sans raison tout le long du repas, ni le détail des traitements indignes subis en dernier ressort par ces mosaïques comestibles déjà si fort maltraitées en cuisine. Je me contenterai de dire que chaque fraction de viande, de pain et de légumes n'est avalée que lorsqu'elle a été badigeonnée de toutes les horreurs entassées sur les tables. Le pain lui-même, rara avis, avant d'être semblablement recouvert de fresques, est coupé en tranches tellement minces qu'elles se dessèchent instantanément. Note, rara avis. Les pommes de terre bouillies tiennent, pour la plupart du temps, lieu de pain. Fin de note. Le fromage est soumis aux mêmes outrages, ce qui le rend immangeable. Quant au potage, la seule préparation passable, on en sert la valeur d'un dé à coudre. Et si on en redemande, on est considéré comme le dernier des mâles appris. Je ne dis rien du curry, plat indien, archi-connu, où l'on fait entrer jusqu'à 15 ingrédients différents et que l'on mange avec du poisson sec, bombé d'ax, en guise de pain. Parce que c'est le plat national. À tout seigneur, tout honneur. Mais me direz-vous, ces mosaïstes enragés doivent au moins baisser pavillon devant l'œuf à la coque, dit le rempart de la simplicité. Ah bien oui, oyez plutôt. Dès que les œufs à la coque font leur apparition en l'atelier de la gueule, un verre ad hoc est planté triomphalement par chaque artiste au milieu de son assiette. Les coquilles, une fois brisées, leur contenu est vidé dans le cristal transparent. On répand par-dessus une épaisse couche d'épices dont les plus doux spécimens sont le gingembre, le poivre de Cayenne et le hanneton pilé. On ajoute à cette affreuse mixture de petits morceaux de pain emmarmeladés, puis on pêche avec une cuillère dans ce marécage baptisé par moi « bouilli à la Jézabel ». Poire ! Je n'ai pas vu manger d'huîtres aux Indes, mais j'ai le droit de supposer qu'elles doivent être traitées de la même façon. Les boissons les plus répandues sont premièrement, un mélange de brandy, de kirsch ou de whisky et d'eau de seltz, soda water. C'est-à-dire un feu roulant de détonation à bon marché. Deuxièmement, le claret, sorte de petit jinglard bordelais très passable. Si les grands vins sont de la partie, on sert à la queue-leu-leu tous les crus de la cave. Les alcools suivent ensuite, puis les liqueurs, puis la bière, puis le pegs, et on recommence jusqu'à ce qu'on en ait assez, ou trop. Le meuble sur lequel s'effectuent ces agapes, inclassifiables, est un arsenal d'ustensiles de bouche, une vraie panoplie rappelant en son espèce celle de Tartarin de Tarascon. La nappe disparaît sous une avalanche de couteaux, de fourchettes et de cuillères, de tout format. L'assiette principale est entourée de plusieurs autres satellites, de dimensions moindres, destinés à contenir les renforts hétérogènes de l'action principale. Marmelade, salade de concombre, beurre, pommes de terre, confiture, etc., etc. En face, formant courtine, ce sont les innombrables verres. À droite et à gauche se dressent deux bastions armés de fioles, portes empoisonnant, et enfin, devant ce formidable appareil gastronomique, se tient coite une malheureuse serviette, grande comme un mouchoir de poupée, ornée d'une frange dont l'utilité est indémontrable. Les Anglais ont d'immenses qualités essentielles, que je ne leur conteste pas. Je sais que le séjour aux Indes, affadissant l'estomac, excuse l'abus des épices. Je sais également que les légumes y sont rares et les viandes médiocres. N'importe, les enfants de John Bull sont aussi déplorables cuisiniers que mauvais musiciens. Et ce n'est pas peu dire. Par exemple, ce sont les premiers paperassiers du monde. Et pour ne pas les imiter, je brûle ce que j'ai écrit à ce sujet. 24 avril. Suite de mes notes épaves. Si la cuisine est abominable aux Indes, en revanche, tous les services sont irréprochables et les installations parfaitement comprises. La forme la plus généralement adoptée pour les hôtels bungalows est celle d'un papillon. La tête de ce lépidoptère est marquée par une véranda, le corselet par les salons et les salles à manger, l'abdomen par les cuisines, et les ailes éployées par les logements des voyageurs. Chaque appartement comprend habituellement deux pièces. La chambre à coucher, ouvrant sur une galerie au vent, close de natte au besoin, et un cabinet de toilette donnant sur une cour postérieure. La simplicité la plus grande règne dans ces chambres aux murs blanchis à la chaux ou peints de couleur claire. Au centre, quatre pieds supporte une natte de sangle, recouverte d'un mince matelas. C'est le lit. Au-dessus est une moustiquaire, et au-dessus, enfin de ce dernier, la ruche bienfaisante de l'indispensable punka. À propos de cet instrument national, pour faire ce qu'on vous en donne, on n'a qu'à crier « Ta nao !» Pour faire cesser, on dit « Sabour !» Ces deux mots sont le résumé de l'existence de bien des gens aux Indes. Je reprends. Peu ou pas de meubles. Les mâles en font l'office. Quelques sièges pratiques et une table de travail, avec punka, naturellement. Vous voyez que les reptiles seraient fort embarrassés pour se cacher dans ces appartements, éclairés pendant toute la nuit, si on le désire par surcroît de précaution. Ajoutez à cela que chaque boy, flanqué d'un ou deux punkistes, habite sur ou dans sa couverture à la porte de son maître. Et vous conviendrez qu'un voyageur n'est guère plus exposé dans les grands centres de l'Hindoustan que sur le boulevard des Italiens. Restent bien les lézards et les insectes, mais les premiers ne sont-ils pas les amis de l'homme? Et les seconds, la nourriture des premiers? Passons maintenant, si vous le permettez, à la seconde pièce, séparée de la précédente par un léger rideau en guise de porte. Ici, deux meubles seulement, une baignoire ou une cuve, suivant les localités, et un tabouret percé. Chacun sait l'emploi de ces deux contenants, de forme, de capacité et surtout d'usage différent. Mais tout le monde ne sait pas qu'une garde spéciale veille à leur fonctionnement et particulièrement à la netteté de la chaise pseudo-curule doublée d'un chapeau de faïence. Si jusqu'à présent je n'ai pas dit un mot à dessein des castes hindoues, je sors aujourd'hui de ma réserve et je vous en présente une peu connue. Sa devise est humilité, son arme un grossier pinceau et son étendard le paria des torchons. Bref, sa mission est de surveiller, avec les égards les plus exquis, les fonctions les moins distinguées de la nature humaine. Aussi, ces spécialistes habitent-ils en famille, non loin de la natte en vétiver, ouvrant sur la cour postérieure, dont il a été question plus haut. Eussiez-vous été dans votre situation solitaire moins bruyant qu'une momie égyptienne ou plus à faune encore qu'un poisson, votre action aura été néanmoins immédiatement perçue par les guetteurs richers, dont l'ouïe ou l'odorat ne saurait être pris en défaut. Et à peine avez-vous regagné votre chambre que la natte se soulève pour donner passage à une sorte de cloporte humain. Narines au vent. Vérifier, enlever, enterrer et replacer sont l'affaire de moins de temps que je n'en mets à vous le narrer. De sorte que, si d'aventure, après un point d'orgue bien gagné, un bis repetita s'impose, vous demeurez profondément stupéfait de ne plus retrouver ce que vous êtes bien sûr de n'avoir point emporté avec vous. Disparu, escamoté, envolé, la muscade. On est presque tenté de crier au miracle, ou tout au moins au voleur. Dans ce cas, l'écho seul vous répond, car jamais on ne se trouve en tête à tête avec ces humbles soustracteurs des matières dernières, même au jour du bakchiche. Ô caste, j'ignore quelle place t'est réservée dans l'autre vie, mais au titre de l'égalité future, tu as droit à une large compensation. Si ce chapitre est jugé trop gaulois par le lecteur, mon excuse sera ma nationalité. Que voulez-vous ? Malgré moi, je me suis intéressée à ces déshérités de la fortune, je les ai étudiés avec complaisance, et maintes fois, j'en ai même abusé peut-être. Ne me reprochez donc pas trop de leur faire ici amende honorable, et croyez que, si je n'avais pas oublié mon latin, je vous en compterais bien d'autres, quitte à m'en excuser ensuite. 25 avril. Rien de nouveau, car reparler des marsouins, des poissons volants et de la mer phosphorescente deviendrait fastidieux. 26 avril. Encore une note volante à avaler. Le règlement des dépenses dans les hôtels de langue anglaise est trop bien organisé pour que je n'en parle pas. Moyennant un prix fixé et affiché, 5 roupies par jour par exemple, chaque voyageur a droit à un appartement installé ainsi que je l'ai dit précédemment, à 3 grands repas allongés d'une collation le matin et d'un vaste thé le soir au punka toute la journée, enfin à la jouissance de toutes les salles communes. Tout extra en sus des droits ci-dessus énumérés nécessite un bon signé du demandeur. Par exemple, bon pour un peg, bon pour un cigare, bon pour une bottle de champagne, etc., etc. Quand on quitte l'hôtel, le babou, secrétaire, vous remet ses pièces à l'appui en même temps que votre note, comprenant autant de colonnes qu'il existe de variétés de dépenses. Ces bons, réunis par un fil de fer, vous permettent de contrôler sans discussion les totaux, et il est juste de reconnaître qu'ils sont rarement inexacts. Peut-on toujours en dire autant des additions de nos hôteliers ? Pendant que j'écris, un joli paille en queue passe et repasse devant moi. Une terre ne doit pas être loin. En effet, en me retournant, j'aperçois à tribord comme une dentelle jaunâtre sur fond d'azur. C'est la côte d'Arabie. Elle s'efface bientôt. 27 avril. Au réveil, nous sommes par le travers d'Aden, couverts de vapeurs brûlantes d'aspect sirupeux. Vers 2 heures, nous doublons le cap Périm. La température devient dès lors insupportable. À la tombée de la nuit, une bande de grands et de petits fous s'abat sur le pont, les tentes et les haubans de notre paquebot. Ce sont des oiseaux à long bec, à ailes dépassant de beaucoup la queue et à pattes extrêmement courtes, comme celles des martinets. on m'assure que ce sont des fabricants distingués de guano et que les îles Abu Eil leur doivent beaucoup. Pour le moment, ils sont très convenables et se laissent prendre à la main sans trop protester. 28 avril, rien ne vient troubler le calme admirable de notre navigation entre ciel et mer cobalt. Rien, sinon une nouvelle invasion des mêmes oiseaux et à la même heure. Voilà des fous bien réglés. 29 avril. Malgré la température de feu, les nuits sont si humides que ma couverture, sous laquelle j'étouffe, ruisselle au réveil comme une éponge. Je vous laisse à penser si les moindres éléments de rhumatisme font les rodomans. Pendant la journée, j'esquisse une demi-insolation en marquant un temps d'arrêt de quelques secondes sous la tente simple. Le thermomètre marque 38 degrés sous la double tente, 40 degrés dans ma cabine et 50 degrés au soleil. 30 avril. Je prends à mon petit lever mon bain de mer habituel, en baignoire bien entendu. L'eau y est à 30 degrés, ce qui me semble cependant frais par comparaison avec l'air ambiant. Vers la fin de la journée, grâce à un vent violent et subit, les vagues, faisant concurrence aux punkas et aux éventails, nous apportent un peu d'air respirable. J'en profite pour faire une sieste. À demain. 1er mai. À bâbord, apparition des terres de la Haute-Égypte sous la forme d'un liseré rose, puis d'une large bordure montagneuse de même couleur, balafrée de strati verdâtre. Le ciel est ocre foncé. Fin du 15e chapitre.